Jazz Time, présenté par Gérard. Jazz Time vous propose aujourd'hui trois chroniques. Alors la première, c'est un retour sur une émission phare des années 50, une émission qui, sur une radio privée, proposait une émission de jazz. C'était pour ceux qui aiment le jazz. Nous en raconterons un peu l'histoire avec des illustrations musicales. Et puis une seconde chronique, on a beaucoup parlé de 1968, mais 10 ans avant, 1958, eh bien, il y avait des publications d'albums tout à fait intéressantes. Eh bien, on vous en proposera 4. Et puis en dernier, on a posé un jour une question à des musiciens, à des amateurs. Quelles sont vos raisons d'aimer le jazz ? Alors j'en ai choisi quelques-unes et nous en parlerons avec là aussi des illustrations musicales. Le jazz à la radio, ça n'est pas une idée nouvelle. Déjà dans les années 30, la radio, qui était un nouveau média, diffusait de la musique enregistrée et des concerts qui contribuaient ainsi à la découverte du jazz. En France, des émissions dédiées au jazz ont été réalisées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré quelques difficultés ou interruptions liées aux circonstances particulières. La présence du jazz à la radio assure non seulement la diffusion de la musique, mais aussi la promotion des musiciens grâce à des personnalités comme, ce sont des historiens, Hugues Panassier, Charles Delaunay, Jacques Bureau, critiques et historiens du jazz. Depuis la Libération, le jazz a eu droit de cité à la radio. Ce sont des émissions qui ont diffusé des concerts avec une fréquence qui évoluera suivant les choix de politique des responsables de la radiodiffusion française, puis ensuite de l'ORTF. Et puis en 1955, on voit paraître dans le paysage radiophonique français une nouvelle station de radio privée, commerciale, qui prend le nom d'Europe 1. C'est sur 1647 mètres grandes ondes. Presque immédiatement, vient au directeur l'idée de produire sur cette antenne une émission dédiée au jazz. Et c'est le jour de la mort de Charlie Parker, le 12 mars 1955, que Maurice Siegel appelle un certain Daniel Filipacchi, 28 ans, photographe et journaliste à Paris Match, pour lui demander d'apporter à la station des disques de Parker que Filipacchi va présenter le soir même. Et alors la réaction des auditeurs est tellement enthousiaste que le directeur artistique des programmes, Lucien Maurice, a l'idée de demander à Franck Thénault, qui lui a 30 ans, déjà engagé dans la presse écrite de jazz et qui avait présenté dès 1944 des émissions de jazz sur une antenne radio à Bordeaux-Lafayette, de faire une émission de jazz sur donc Europe numéro 1. La direction d'Europe 1 retient le principe d'une alternance entre les deux participants, Daniel Filipacchi et Franck Thénault, mais en choisissant plutôt de faire une émission à deux, en dialoguant plutôt qu'une émission l'une contre l'autre. Le titre de l'émission est trouvé par Lucien Maurice. Ce sera « Pour ceux qui aiment le jazz ». Elle est programmée chaque soir à partir de 22h15-22h30 et doit durer environ une heure. Cette émission sera la plus vieille de la station et elle durera de 1955 à 1971. Si Franck Thénault est plus jazz afro-américain, Daniel Filipacchi, lui, est plutôt jazz blanc. Mais cela ne les empêche pas de proposer chacun un programme selon leur goût, mélangeant les propositions, invitant parfois un musicien en tournée pour un entretien et choisissant des thématiques, lançant une émission complémentaire le dimanche soir, les disques à la demande. C'est un programme spécial, suite au courrier des auditeurs, environ 200 à 300 demandes par semaine et l'émission durait une heure. Bien entendu, les maisons de disques trouvent là, avec cette émission, une forme de promotion de leur production. Le succès de Pour ceux qui aiment le jazz va se confirmer très vite. Et les deux animateurs vont avoir l'idée d'organiser régulièrement des concerts à Paris, à l'Olympia, un music hall, dirigé à l'époque par Bruno Catcatrix, ce qui leur propose, outre les jours de relâche, des soirées après passage des artistes de variété. Ce sera des concerts qui auront lieu entre 18-19h et quelquefois même à partir de minuit, donc deux concerts dans une même soirée par le même orchestre. Une part de ces concerts sont enregistrés d'une vingtaine d'inédits, de rééditions aussi dans des doubles CD, devenus des objets de collection. Alors, bien entendu, pour identifier, annoncer, mémoriser l'émission de Franck Thénault et Daniel Filipacchi, il a fallu trouver un indicatif musical. Dans un premier temps, ce sera l'interprétation de l'orchestre de Count Basie avec le chanteur Joe Williams. Voici l'indicatif « Every day I have the blues ». every day. Every day I have the blues. Every day. Every day I have the blues. Well, you see me worry, baby, because it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, well, you know I've had my share. I'm gonna back my suitcase, moving on down the line. Oh, I'm gonna back my suitcase, move on down the line. Well, there ain't nobody worrying and there ain't nobody crying. Était dans les années 50 le signe de ralliement des amateurs de jazz qui tous les soirs prenaient la fréquence de la radio Europe numéro 1 pour écouter l'émission de Frank Tenniot et Daniel Filipacchi pour ceux qui aiment le jazz. Et c'était donc Everyday I Have the Blues par l'orchestre de Count Basie et la voix de Joe Williams. Une autre interprétation sera utilisée avec succès public pour le générique de l'émission pour ceux qui aiment le jazz. La composition du saxophoniste Don Wilkerson dans une session pour Blue Note en 1962. Dans le sextet, un petit rôle qui a pourtant toute son importance, vous allez le découvrir tout au long du morceau, c'est le tambourin de Hoyle Curtis, voici Camp Meeting. Yeah. Le sextet du saxophoniste Danville Carson, dans l'interprétation de Camp Meeting, un thème qui a eu beaucoup de succès public et qui était l'indicatif de l'émission Pour ceux qui aiment le jazz, l'émission de la radio de Europe 1, c'était en 1962. Enfin, peut-être le thème indicatif de l'émission Pour ceux qui aiment le jazz, qui a le plus marqué la mémoire des auditeurs et des amateurs, et qui a pour origine le passage du groupe des Jazz Messengers à Darby qui en tournée en France en 1958 à Paris. Ils sont passés à l'Olympia, au Club Saint-Germain. C'est une composition signée du saxophoniste du groupe Benny Golson. C'est Blues March qui est devenu pour l'occasion Blues March for Europe numéro 1. Enregistré en public au Club Saint-Germain de Paris, c'était le thème Blues March, interprété par le groupe des Messengers d'Art Blakey. C'est un thème qui a pendant longtemps a été l'indicatif de l'émission Pour ceux qui aiment le jazz de Franck Tenno et Daniel Filippaki, et il a beaucoup marqué la mémoire des auditeurs. Franck Tenno aura cette conclusion au sujet de son expérience au micro d'Europe 1 pour l'émission Pour ceux qui aiment le jazz. Je le cite, « Pour faire une bonne émission de radio, il faut de l'enthousiasme pour les morceaux que l'on passe. Un conseil à suivre. » Et je vous signale que, justement, l'enthousiasme, eh bien, nous n'en manquons pas pour les différents numéros de Jazzheim. Après cette première chronique, eh bien, on évoque des enregistrements réalisés en 1958, 10 ans avant les événements célèbres de 68. Et la plupart de nos bons souvenirs, de nos grandes émotions qui ont marqué notre mémoire sont liés à des dates, comme les millésimes des bons crus il y a peu. Donc on se souvenait de mai 68, et tout au long de son histoire, le jazz lui aussi était jalonné de dates mémorables et de dates moins connues, mais tout aussi importantes. Donc en 58, eh bien, 4 orchestres ont enregistré des albums qui comptent encore. La version de Porgy and Bess de Gershwin par Miles Davis et Gil Evans, l'album Blues in the Orbit de Duke Ellington, le dernier opus de Billie Holiday, et la prestation à Paris, eh bien, on en parlait justement, des Jazz Messengers d'Art Blakey. Ce qui ne doit pas pour autant éclipser des publications discographiques en 58 qui, si elles ne constituent pas une rupture, vont assumer l'évolution, la transition. On peut citer par exemple Ornette Coleman, saxophoniste alto associé au trompettiste Don Cherry, le pianiste Syl Taylor qui, avec ses tournures particulières, divisera le jazzosphère, et aussi le trompettiste Booker Little, remplaçant de Clifford Brown auprès de Max Roach. Et puis on en pense aussi au saxophoniste soprano Steve Lacy, qui consacrera une partie de son répertoire à Thelonious Monk. Enfin donc le batteur Chico Hamilton, en compagnie d'Eric Dolphy, saxophone alto, qualifié de passeur vers d'autres formes d'expression. Retour donc à 4 albums, événements de 1958 que vous propose Jazzheim, et tout d'abord Porgy and Bess. En 58, l'opéra de Gershwin, qui a été créé en 1937, a toujours la cote. Plusieurs jazzmen se sont emparés de chansons qui font partie de l'opéra. On pense à Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, à Buddy Collette, et au cinéma, Otto Preminger prépare un film sur ce drame musical. Pour profiter de la sortie de ce film, un producteur avisé demande au pianiste-compositeur Gil Evans de sélectionner des morceaux de la partition de Gershwin et de les faire orchestrer par Gil Evans. Celui-ci va imaginer des combinaisons de timbres qui vont faire de cette version, dans laquelle intervient Miles Davis, pour évoquer les différents personnages, une œuvre originale qui prend l'auditeur d'un bout à l'autre de l'album. L'enregistrement a été réalisé en 4 séances de juillet et août 1958. Miles Davis joue le plus souvent du bugle ou de la trompette avec sourdine. Quant à l'orchestre, il est composé surtout de cuivre à la fois pour leur puissance et offrir un nécessaire son peut-être plus feutré. Il faut peut-être rappeler que cette même année 58, Miles Davis a également enregistré l'album Milestones et Gil Evans New Bottles, Old Wines, reprise de vieux thèmes revisités. Alors, je vous propose le thème Bizarre Song, un extrait donc de la partition de Porgy and Bess de Gershwin, mais interprété par Miles Davis et l'orchestre de Gil Evans. Thank you. Le thème Bazaar Song, une composition extraite de Porgy and Bess, l'opéra de Gershwin, repris par Miles Davis et sur des arrangements et une direction d'orchestre de Guy Levens. Après le succès remporté par le concert et l'album Jazz à Newport 1956, l'orchestre de Duke Ellington retrouve la direction des studios et des propositions de contrat. En 1957, le Duke compose pour le festival Shakespeare de Stratford-sur-Avon la suite Such Sweet Thunder. En 58, et c'est à nouveau une invitation au festival de Newport et une production discographique nettement accru puisque Ellington enregistrera cette année-là la suite Black, Brown and Beige avec la chanteuse Malia Jackson. Pour Columbia, Ellington va entrer en studio en 58 pour l'album Blues in Orbit avec son orchestre. Le thème que je vous propose a pour titre Peak Ice Blues. C'est une variation à partir d'une composition intitulée Flirt Bird composée par le Duke pour la musique du film de Otto Preminger Anatomy of a Murder. Voici Peak Ice Blues. Duke Ellington, extrait de l'album Blues in Orbit, Pie Ice Blues. En 1954, l'arrangeur et chef d'orchestre Ray Ellis, saxophoniste de formation, est très sollicité par les labels comme Columbia, Atlantic, RCA ou MGM. Pendant près de 10 ans, tout ce qu'il fait deviendra un succès. Il travaille pour Sarah Vaughan, Tony Bennett, Les Horn, et il devient directeur artistique chez Columbia, puis RCA. Et puis un beau jour, la chanteuse Billie Holiday lui demande de faire un album. Ils choisissent ensemble le répertoire de chansons. L'orchestre réunit 35 musiciens, des cordes et des choristes. Mais Billie Holiday est déjà mal en point. Elle disparaîtra en 1959. Elle est très vulnérable. Elle n'est pas présente à toutes les répétitions alors que Ray Ellis se fait travailler l'orchestre avec précision. En juin 58, les 3 séances d'enregistrement de l'album, qui aura pour titre Lady in Satin, ont lieu après minuit. Billie Holiday fume ses 3 paquets de cigarettes, elle boit du gin pur. Pourtant, Ray Ellis se souviendra qu'elle livrera, à peine entrée en studio, une version de You've Changed émouvante en une seule prise. L'album Lady in Satin, qui était l'album préféré de Billie, quant à la critique, elle a été partagée, ce sera quand même un succès. Je vous propose un extrait de cet album, Glad to be Unhappy. Look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh to beat the band. Look at yourself. Do you still believe the rumor that romance is simply grand? Since you took it on the chin, you have lost that toothpaste grin. My mental state is all a jumble. I sit around and sadly mumble. Fools rush in, so here am I, very glad to be unhappy. I can't win, but here am I, more than glad to be unhappy. Unrequited love's a bore, and I've got it pretty bad. But for someone you adore, it's a pleasure to be sad. Like a string, baby lamb, with no mammy and no pappy, I'm so unhappy. But oh, so pretty bad. But for someone you adore, it's a pleasure to be sad. Like a string, baby lamb, with no mammy and no pappy, I'm so unhappy. But oh, so glad. La voix de Billie Holiday, le thème Glad to be unhappy. Billie Holiday a enregistré l'album Lady in Satin en 1958 et ce thème est extrait de cet album. Il y a quelques années, un magazine de presse écrite dédié au jazz avait interrogé des musiciens et aussi des journalistes de la rédaction pour qu'ils répondent à cette question « Pourquoi aimez-vous le jazz ?» En fait, le jazz, c'est quoi pour vous ? Alors, c'est une question que j'ai envie de poser à nos auditeurs d'ailleurs. Et dans le même esprit, un autre magazine, pour son 60e numéro, avait choisi de demander à ses lecteurs, à des journalistes et à des musiciens, d'exprimer 100 raisons pour lesquelles ils aimaient la musique de jazz. Et en complément, le magazine propose une discothèque idéale de 100 disques retenus par les journalistes critiques. Enfin, un guide de 100 sites internet, réseau d'échange d'informations et de connaissances. En attendant que soit lancée une enquête et vos réponses, vous auditeurs, sur ce même sujet, si toutefois cela peut avoir aujourd'hui un certain intérêt, je vous propose quelques-unes des raisons avancées voici près de 15 ans par des amateurs en réponse à cette question. Quelle question ? Pourquoi aimez-vous le jazz ? J'aime les autodidactes passionnés qui ont jadis inventé cette musique et ceux qui l'ont modernisée, la rendant intemporelle. J'aime sa liberté, ses règles et sa longévité. Autre réponse, le jazz, c'est plus qu'un continent, plus qu'une dimension de l'instant. C'est une personne fidèle et changeante et des rencontres, une image de la vie. Et puis, le jazz, c'est comme le thé. Il y a un cru pour chaque moment de la journée. Enfin, le jazz, c'est le cuivre, les cymbales, les saxophones, les trompettes, les trombones qui scintillent sous des projecteurs avec un son comme ça qui brille. Qui mieux que Louis Armstrong pour illustrer cette définition pourquoi on aime le jazz ? Voici St. Louis Blues. Armstrong, St. Louis Blues. À la question posée « Pourquoi aimez-vous le jazz ?» Eh bien, je vous propose encore quelques réponses. Le renouvellement le plus génial de l'art de la conversation et de la conquête de l'instant. La conquête est le travail de l'identité dans la durée. Et puis aussi le jazz est l'un des derniers refuges artistiques où la valeur prime sur l'intérêt. Dans l'histoire du jazz, la réalité dépasse souvent la fiction. Et puis, le jazz, grand cœur battant, à tout rompre, ouvert depuis son origine à l'amour, la réconciliation entre les peuples, bref, la vie telle qu'elle devrait être. Voici Art Pepper, Straight Life. Straight Life, Art Pepper, c'est une raison d'aimer le jazz, pourquoi pas? Et je vous en donne encore deux autres raisons d'aimer le jazz. Je cite, « Parce que c'est la musique avec laquelle il est impossible de tricher, parce que c'est une musique qui sait ce qu'improviser veut dire, parce que c'est lui sous toutes ses formes, parce que c'est moi sous toutes les couleurs. » Et puis également, refuge au passé, palpitant au présent, détonnant au futur, le jazz c'est un magma de création perpétuelle qui m'émerveille chaque jour. Charles Parker, Embraceable You. Charles Parker, la composition de George Gershwin, Embraceable You. Eh bien, avant de conclure, voici l'une des raisons d'aimer le jazz que propose un écrivain et historien du jazz disparu en 2017 à l'Interciné. C'est très court. Essayez donc de vivre sans jazz. Mais on aurait dû demander à ceux qui n'aiment pas le jazz quelles sont leurs raisons. Eh bien, j'en ai trouvé une. Elle est signée de l'écrivain Gabriel Matzneff. Je le cite, « Si une musique qui me fout le cafard et que je fuis, c'est le jazz. » Alors sans rancune, Gabriel Matzneff, et soyez heureux avec Sonny Rollins, « Get Happy ». Sonny Rollins en concert au Village Vanguard, Get Happy, et c'est sur ce souhait, Get Happy, soyez heureux à écouter du jazz, que nous vous quittons pour cette semaine. La réalisation technique était assurée par Quentin, un grand merci à lui, et donc rendez-vous dans une semaine pour un numéro de Jazz Time. Au revoir.